Chapitre 12e, les affaires reprennent. Coup de fil au SRPJ. On m'a adjoint comme second William Seban, passé inspecteur divisionnaire. On ne peut pas dire que j'en bondisse de joie, mais c'est un type sûr et prévisible. Pas vraiment sympa, car personne, même dans sa famille, ne l'a jamais vu sourire. Tant pis. Efficacité avant tout. Mais je n'aurai jamais avec lui la complicité que j'avais avec Michaud. J'explique à Seban ce que je veux. Dès demain matin, il me faut au moins 3 voitures et 8 hommes sur le pied de guerre, prêts à bondir impasse des Tamaris. Plus, bien sûr, des gardiens en nombre suffisant. Dès que la Deuche quittera le port, si leur manœuvre continue, sans simple coup de fil, tout le monde doit être sur le pont. Prends un plan, Seban, pour repérer ou planquer les bagnoles. Seban s'exécute et prend tout de suite son rôle au sérieux. Ça y est, je vois les lieux. À votre place, je placerai une bagnole pour barrer l'impasse et interdire tout de suite, et une autre dans l'impasse derrière, au cas où les mecs chercheraient à se carapater par les jardins. Bravo mon fils, t'as tout compris. Moi je serai voiture 1, et je suivrai la Deuche. Toi tu seras voiture 2 et tu bouches l'impasse. La 3 bloquera l'impasse suivante, et il en faut une 4e, rapide, garée au bord de la voie principale, au cas où il dépoterait un peu trop vite. Maintenant s'il se barre en moto, Cyanpouli, nous sommes jolis. Préviens tout de suite les mecs avant qu'ils ne rentrent chez eux. Je peux compter sur toi. Ah, je ne sais pas, patron. Je me le demande. T'as pas changé. Je passerai ce soir au SRPJ prendre ma bagnole de fonction et voir les derniers détails. Repose-toi bien, tu vas avoir besoin d'énergie. Dans la soirée, Gigi m'accompagne à l'évêché pour y prendre mon véhicule et nous en profitons pour fêter ma réintégration chez Fonfon par une petite bouillabaisse. Les risettes qu'on me fait dès la porte franchie scellent ma réinsertion dans la crème marseillaise. Gigi a mis un tailleur gris à veste croisée, sans chemisier, qui laisse fantasmer sur ses seins, une jupe serrée qui laisse aussi fantasmer sur ses cuisses, et des escarpins noirs à hauts talons qui galbent ses mollets. Son chignon lui confère une noblesse canaille qui fait retourner tous les hommes sur son passage. Mamma mia, qu'elle est belle! Il faut que j'assure à fond, car vraiment elle le mérite. 6h du mat. Je pointe un œil au-dessus du drap. Je n'ai jamais eu besoin de réveil pour être debout à l'heure que je m'étais fixé pour démarrer. Je bise les cheveux de Gigi qui frémit légèrement et me précipite vers la salle de bain. Lavage, rasage sont les deux mamelles du fonctionnaire efficace. Officiellement, je commence aujourd'hui, pas question de ressembler à un chat vacant pour mes subordonnés. Habillé de pied en cap, j'espinche l'arrivée de la belle caille derrière les volets de la chambre. Ça y est, le voilà, se rafiole à Popeye. Il manœuvre pour placer sa poupe contre le quai. La Deuche Carmel se pointe au gré de ses balancements. Bingo, c'est parti mon kiki. Je dévale l'escalier, bondis dans la 504, allume la radio. Ici voiture 1, vous me recevez? Tout en conversant au micro, je place la bagnole de façon à voir passer la Deuche. Préparez-vous les gars, ça décolle, dans 10 minutes on arrive. Dès que la camionnette passe, j'embraye et la suis à une centaine de mètres. Elle prend comme prévu la direction de Carrie. C'est bon, mon petit père. Si je pouvais, je t'embrasserais. Continue comme ça. Je retrouve le long de ma moelle épinière le bon stress qui vous enlève quelques années et vous fait retrouver vos ardeurs de collégien. J'ai une envie folle d'allumer une clope, mais je me retiens en faisant un immense effort sur moi-même. Quel plaisir aussi de recommencer à travailler en équipe et de la diriger. Il y a quand même une différence entre faire des paniers tout seul sur un terrain de basket et disputer une partie au sein d'un bon groupe. J'ai avec moi ce banc, dit le masque, vu qu'à 100 ans, il n'aura toujours pas de rides, en tout cas pas celle du sourire. Il y a aussi Esposito, Espo pour les uns, Esito pour les autres. Berto, dénommé le cerf à cause de la contenue de sa femme, fait également partie de l'équipe. N'oublions pas Chazard, dit Crasu, en raison de son passé cégétiste dans la serrurerie. Et enfin, l'incontournable Gargan. Celui-là est natif de Gargas dans les Vaucluse et, tel Gargantua, ingurgite des quantités phénoménales de bouffe, d'où son pseudo a double signification. En réalité, il se nomme l'Antoine et mesure près de 2 mètres. Quel problème pour lui trouver un gilet pare-balles à sa taille. Allô, voiture 1 à toutes les voitures, je longe le port de Cari, c'est du peu, préparez-vous. La Deuche enfile l'impasse des Tamaris. Au passage, j'ai remarqué la présence discrète des voitures de mes collègues. La camionnette stoppe enfin devant l'entrée de la villa. Je pile juste derrière. Le bobsal descend de la deuche, ouvre les portes arrière, en sort un casier et se dirige vers le portail de la villa sans prêter attention à moi. « En avant, c'est bon !» Je rugis dans le micro tout en descendant de ma bagnole sans même fermer la portière. Dans les secondes qui suivent, l'impasse est bouclée et cinq hommes sont à mes côtés encadrant bobsal, son casier à la main, et qui visiblement ne comprend pas ce qui lui arrive. Je lui arrache le casier des mains et soulève le journal qu'il recouvre. À l'intérieur, une soupe de roche ou des girelles voisines avec des bogues et des petits rouges à grondins, mais rien d'autre à part la poiscaille. « Sonne, allez, fais-toi ouvrir !» lui intimai-je en le poussant avec le canon de mon Beretta. Il actionne la sonnerie, mais rien ne résonne. Il tape alors à la porte. « Oh, ouvrez, c'est de Souza, il apporte un casier !» Toujours rien, aucun bruit dans la baraque. Gargan se pointe alors devant la porte en envoyant valser le porteuse d'un simple mouvement du bras. « J'enfonce, me fait-il avec un mouvement de tête. Attends, ne reste pas devant la porte, on ne sait jamais. Encerclez la maison, au cas où il se taillerait par les fenêtres. « On a des gardiens, dans la rue derrière, » précise ce banc. Une fois tout le monde en place, Gargan se prépare à opérer à grands coups de latte. « Attendez !» fait marcher. « Ne bousillez pas une porte pour rien !» De son grand futal, il sort un impressionnant trousseau de clés, vestige de son premier métier dans lequel il excellait. « Fais gaffe, » lui dis-je, « ne reste pas dans l'axe de la porte. » En moins de deux, il ouvre grande la porte en la poussant fortement. Tout le monde s'est planqué en attendant d'éventuels pruneaux. Rien. J'investis alors la baraque, Beretta en position FBI, et mes hommes inspectent avec précaution chacune des pièces de la villa après en avoir ouvert les volets. La maison est pratiquement vide de meubles, mais propre et rangée. Dans la cuisine, aucun ustensile ne traîne et tout est en ordre. C'est à se demander si cette baraque a été habitée récemment. En tout cas, mon flag est à l'eau, c'est évident. Au fond du couloir, j'avise une porte latérale. Elle donne sur un escalier menant au sous-sol. J'actionne les deux commutateurs encastrés dans le mur, mes points de lumière. Trouvez-moi le compteur et remettez le jus. Tout le monde s'affaire et au bout d'une minute, une faible lumière éclaire le bas de l'escalier. Le deuxième commutateur ne commande aucun éclairage apparemment. Je descends précautionneusement, toujours face au FBI. La cave, assez vaste, est éclairée par une ampoule avare dont le filament agonisant tremblote. Difficile d'y voir vraiment clair. Le local est vide. Aucun attirail de pêche, pas la moindre valise, le plus petit carton, la commode la plus délabrée, rien quoi. C'est vide, niente. J'essaie de trouver un indice quelconque, le nez au sol, façon Sherlock, cette fois-ci, mais vraiment il fait trop sombre, je rugis. Une torche, nom de Dieu! Personne n'a pensé à cet outil dans l'équipe, pas même moi. Je remonte et en passant devant les interrupteurs, je remarque qu'ils sont d'un type ancien, avec fusible incorporé. Pris d'une soudaine intuition, allez savoir pourquoi, j'intervertis les fusibles et là, une clarté magnifique illumine la cave. Je redescends et constate que le plafond de la cave est pourvu de deux rangées de néons en pleine forme qui diffusent à giorno. Reprenant la position Sherlock, le cul en l'air, je pars à la découverte. Le sol est plus propre qu'on pourrait s'y attendre. Visiblement, le ménage a été fait récemment et au cédar est passé par là. Pourtant, dans un coin, des petits éclats de lumière m'attirent. Ce sont de très petits morceaux d'un verre très mince d'un millimètre et quelques d'épaisseur. Plus loin, j'observe une trace d'une poudre blanchâtre. Je n'ose la goûter du bout du doigt, suivant cela les conseils de ma grand-mère qui me disait toujours « Ne mets pas tes doigts à la bouche ». Je trouve également quatre morceaux de film plastique déchirés bien propres et bien transparents. Bingo. Mon flair ne m'avait pas trahi. Je savais bien qu'il devait se mitonner des soupes pas très licites dans cette cave, jusqu'à il y a peu. J'exulte en laissant bruyamment éclater ma joie. « Ouais, les gars, on n'est pas complètement bredouille. Appelez-moi Pardo au stup, qu'il envoie presto une équipe pour passer la cave au peigne fin. » Mes découvertes ont un peu amoindri ma colère et ma déception, mais on nous a pris pour des billes, c'est certain. Quant à ce chapacan de bobsal, je te garantis qu'il va appeler sa mère s'il ne crache pas le morceau. Le Gus est assis sur les marches de l'entrée sous la surveillance d'un gardien. La septantaine, un pantalon sale, une chemise délavée, des espadrilles, tout vêtement percé de trous d'aération dus à l'usure. Son visage émacié atteste qu'il n'a pas dû avoir la vie facile. Il tourne vers moi un regard las et éteint. Je m'assois à côté de lui et fais gicler son bob d'un revers de main, puis je l'attrape par le bras en camarade, histoire de le mettre à l'aise. « Alors, papé, tu tiens à finir tes jours tranquillement en Suisse, dans ta piole ?»« Oui. » »« Alors tu nous dis que tu travailles depuis un moment dans ta putain de douche ?»« Y est, c'est rien, moi. Y est fait ce que maudit de faire, c'est tout. Y est en service, et encore, y est mes retrouves dans les emmerdes. » Je le secoue un peu fort et lui montre gargant du doigt. « Papé des Souza, il vaudrait mieux que tu parles, parce que, en plus des mois de cabane aux Baumettes, tu vas te prendre une grosse tête. À ton âge, tu te rends compte ?» Là, lecteur, il faut que je t'avoue que le passage à tabac et les coups d'annuaire n'ont pas cours dans mon équipe. On se contente de secouer les pratiques, à la limite de la résistance des vêtements. Ça ne fait pas mal, ça ne laisse pas de traces, mais ça rabat méchamment l'orgueil du client, ce qui n'est pas bon pour son moral. Vous avez les mêmes méthodes que les autres, tous des pourris, voilà ce que vous êtes. Moi, y porte le poisson, ou on me dit de l'amener, et voilà. Mais il n'y avait pas que du poisson dans tes casiers. Ne te dis pas non, je t'ai vu regarder. Qu'est-ce qu'il y avait dans les casiers du dessous, hein? Fais un effort, dis-je en lui remontrant gargant. Il y a des paquets en plastique. Et dans ces paquets, il y avait à couche. Je le secoue encore une fois pour faire remonter la pulpe, mais pas trop, par respect pour l'âge de la liquette. Y sais pas ce qu'il y avait. Y ai jamais demandé. Tout ce que y sais, c'est qu'il me payait 4 fois plus. C'est qui, il? Y sais pas, des cacous. Vous y avez qu'à demander aux pêcheurs de la belle caille. C'est eux qui me donnaient les casiers. Ça, je le savais quand elle les interrogeait musclés. J'y avais pensé avant lui. Je sens que pour l'instant, je n'en tirerai pas grand-chose d'autre. De toute évidence, c'est un pauvre type qui n'en sait effectivement pas plus que ce qu'il en dit. Ah, ils l'ont bien choisi. « Allez, embarquez-le. Je sens qu'à l'évêché la mémoire va y revenir. » En réalité, j'ai l'intention de le confronter aux photos des gueules d'empeigne que j'ai prises devant la villa. Il devait bien les appeler par un nom quelconque, le papé. Il va falloir que je comprenne comment et pourquoi la villa s'est vidée si rapidement. On nous a tendu un coup fourré et les truands doivent bien se marrer, à l'heure qu'il est. En tout cas, je tiens le papé, les pêcheurs et cet enfoiré de Mario Costanza. Interrogatoire, confrontation, macération sont les phases d'une enquête comme les 3 étapes du grand œuvre alchimique. Chacun son portrait dans la galerie. On verra comment se partager le boulot avec Pardo des stupes. Allez les belous, ne refroidissez pas, direction Carreau. On va serrer les pêcheurs de la belle caille et voir ce bateau de près. Arrivés sur le port, nous avons la déception de constater l'absence du palangrier. Pourtant, je l'ai vu rentrer au port ce matin. C'est rare qu'ils sortent 2 fois de suite dans la journée. Je vais aller me rencarder au cercle des pêcheurs. En attendant, j'offre à mon équipe le café et les croissants chez Gilda. Il n'y a que Gargant pour réclamer en plus une bière et un sandwich. Au cercle, j'avise un homme, la 60aine, plongé dans la lecture de la Marseillaise. Je l'aborde gentiment. « S'il vous plaît. » L'homme lève sur moi un regard d'un bleu profond, la bouche en cœur, de surprise. « Oui ?» Je lui sers ma platée de questions sur la belle caille. Il me répond que le bateau a quitté le pays il y a 1 heure environ, qu'il a fait le plein et qu'il est sorti du port. De là où il est, il n'a pu voir si le palangrier se dirigeait vers l'est ou vers l'ouest. Sur ce, il me désigne un homme bedonnant et jovial qui entre dans le cercle. « T'es, vous n'avez qu'à demander au propriétaire. Gaffiero, il doit savoir, lui. Oh, Dédé, viens un peu voir. Il y a monsieur qui veut te poser des questions. » L'homme vient vers nous, visiblement tout heureux qu'on s'intéresse à lui. Je resserre ma platée, mais il m'arrête gentiment de la main. Je suis effectivement le propriétaire du bateau, mais je le loue pour une misère à 2 pêcheurs depuis 3 mois. Je leur laisse le produit de la pêche à charge pour eux d'entretenir le bateau et de fournir le carburant. En dehors de ça, je ne m'occupe de rien. C'est tout de même bizarre que quand il s'agit de recevoir du pèse, les gens utilisent souvent le vocable « misère ». Mais quand il s'agit d'en donner, on entend les termes astronomiques, faramineux, et j'en passe. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur ces 2 hommes? Ils logent à la couronne, et j'ai leur nom si ça vous intéresse. Je peux vous expliquer où ils crèchent. En tout cas, ils ne sont pas causants, mais ils sont sérieux. Payent régulièrement et le bateau est bien tenu. Mais la pêche, ça n'a pas l'air de marcher bien fort avec eux. C'est tout. Ben, je me suis demandé pourquoi des fois ils emmènent un plongeur. À part ça, non, j'ai rien à dire, mais... Le gars fait un effort de réflexion en me scrutant attentivement. Vous n'êtes pas le monsieur de Gilda? Pourquoi vous me posez ces questions? J'exhibe alors ma carte de police et me présente. Il fallait bien que ça arrive un jour. Ah, fait-il, je comprends. Eh bien, c'est bon à savoir. En tout cas, bienvenue au port, si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Gaffiero, le propriétaire, m'a indiqué où logeaient les deux gars. De retour au bar, je trouve Gilda en grande discussion avec mes hommes qui font un saut d'amabilité auprès d'elle. Gargan me prend à l'écart. « Comment vous avez fait, commissaire, pour trouver une beauté pareille ? Vous n'êtes pas mal, vous aussi, mais sans vous offenser, je ne sais pas si vous la méritez vraiment. En tout cas, félicitations. » Je me rengorge, assez content de moi et de Gargan par la même occasion. Il aimait beaucoup mon ancienne femme, Chantal, assassinée dans un accident de voiture, et c'est ce qui l'autorise à me parler de la sorte. Mais ce n'est pas le tout. Il va falloir continuer cette enquête qui part en bibrine. « Allez, Bandeniaille, Boulégué, on lève l'ancre, direction la couronne, au domicile des pêcheurs de la belle caille. » Les portières claquent. Gilda me fait un signe de la main, visiblement content des hommages rendus et de son homme. En réalité, on va parcourir 800 mètres en bagnole, mais on dirait qu'on part pour la guerre de Troie ou la conquête de l'Ouest. Certes, cette excitation demande de l'énergie, mais quand on est en forme, quel bonheur de sentir circuler le sang plus vite dans ses veines et de toujours aller de l'avant dans l'espoir d'une découverte. L'habitation des deux pêcheurs n'est qu'une mauvaise baraque de plein pied qui, à première vue, ne doit comporter que deux ou trois pièces. La courette sur le devant est encombrée de filets de pêche entassés pêle-mêle, et tout autour de la masure, il règne un doux bordel. Devant une espèce d'appentis, une 203 camionnette est garée, la portière conducteur ouverte. « Il y a une chose qui m'intrigue, patron, » me fait ce vent, « d'y voir. » « Vous croyez qu'ils vont à carreau à pied ? Ce n'est pas que ce soit loin, mais ça fait du temps perdu. Sans compter que les pêcheurs, ça ne part jamais les mains dans les poches. Si je te suis bien, tu te demandes s'ils ont été à pied au port pour partir avec le palangrier ? Oui, c'est ça. Ils avaient peut-être une autre bagnole ? Ou alors il y a une autre explication ? Allez les mecs, on jette un coup d'œil dans la baraque, même si on n'a pas de commission rogatoire. » La visite de l'intérieur est vite faite, vu l'exiguïté du lieu. Sur la table de la cuisine traîne un miroir portatif et une lame de rasoir. Chacun de mes hommes pense à la même chose que moi. « Il manque plus qu'on trouve une paille, » fait Gargan. « Mais la voilà !» s'exclame Marchais. Il se relève et nous montre victorieusement une paille à boire, communément appelée chalumeau. Là-dessus, il se met à proférer un baragouin italien nasillard en faisant voyager sa paille dans les airs. « C'est la linéa, chef. Vous savez le dessin animé ?» Tout le monde se marre, de vrais gamins. « Ne touche à rien, les gars. Prévenez les stupes qu'ici aussi il y a du boulot. Je vais faire un tour dans la remise. » Là aussi, c'est l'oeil complet. De tout partout, vieux, poussiéreux, avec des relents de poissons pas frais. Il y a même des godasses mélangées avec les filets et les nasses. De plus près, je remarque avec stupeur qu'une chaussette est présente dans la godasse. Donc il y a un pied dans la chaussette et peut-être une jambe au bout du pied. Avec précaution, je déplace le filet et appelle les autres. Malheureusement, c'est bien Maccabée qui est planqué sous le tas. En mettant le corps à jour, arrivé à la ceinture, nous découvrons le départ d'un deuxième corps. Il nous faut nous mettre à plusieurs pour soulever tout l'amas de filet qui a servi à planquer les corps. Zito, fonce au cercle et ramène-nous le propriétaire du bateau, Gaffalo ou Gaffaro, je sais plus. Il va nous dire s'il s'agit des deux pêcheurs. Dans les 10 minutes qui suivent, le gaffe quelque chose et est là, bien moins jovial que tout à l'heure. En s'épongeant le front, il contemple les corps. Oui, lui c'est Stopoulos et l'autre c'est Panakis. Eh ben. Puis, ses affaires et son bon sens reprenant le dessus, il gémit. Et mon bateau alors ? Qui c'est qu'il a ? Ça, mon pauvre, on va s'en occuper, mais après les dépouilles grecques. Cette fois-ci, il faut sortir le grand jeu. Le parquet, le légiste, les potes des stupés, tout le toutim. Ça va en faire de l'animation dans le quartier. L'industrieux marché dégoûte une torche électrique. Pas besoin du docteur Charles pour voir que les deux Zig ont été dépêchés d'une balle dans la tête et en plein front. Ce qui signifie que soit le tireur était très rapide, soit qu'il y en avait deux. Vu ce qu'on a trouvé sur la table de la cuisine, les deux Grecs sont peut-être morts de bonne humeur, après avoir sniffé une ligne ou deux. Nous avons droit à la procédure habituelle en pareille circonstance, avec l'attente du juge, du proc ou de son substitut, les phrases pour meubler le temps. Les premières constatations faites nous amènent gentiment vers 3 heures de l'après-midi et les estomacs gargouillent. Gargan est au bord de l'hypoglycémie. « Si on allait manger un morceau à l'estape ?» propose Dito. Sans même attendre ma réponse, tout le monde s'engouffre dans les bagnoles qui démarrent sur les chapeaux de roue.